Deuxième livre de Samuel, chapitre 11. Or il arriva un an après, lorsque les rois sortent à la guerre, que David envoya Joab, et avec lui ses serviteurs, et tout Israël, et ils détruisirent les enfants de Ammon, et assiégèrent Rabba, mais David demeura à Jérusalem. Et sur le soir il arriva, que David se leva de dessus son lit, et comme il se promenait sur la plateforme de l'autel royal, il vit de dessus cette plateforme une femme qui se lavait, et cette femme-là était fort belle à voir. Et David envoya s'informer de cette femme-là, et on lui dit, « N'est-ce pas la Bathseba fille d'Éliam, femme du Rilétien ?» Et David envoya des messagers, et l'enleva, et étant venu vers lui, il coucha avec elle, car elle était nettoyée de sa souillure, puis elle s'en retourna en sa maison. Et cette femme conçut, et elle envoya le faire savoir à David, en disant, « Je suis enceinte. » Alors David envoya dire à Joab, « Envoie-moi Uri les tiens », et Joab envoya Uri à David. Et Uri vint à lui, et David lui demanda comment se portait Joab, et le peuple, et comment il en allait de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends en ta maison, et lave tes pieds. » Et Uri sortit de la maison du roi, et on porta après lui un présent royal. Mais Uri dormit à la porte de la maison du roi, avec tous les serviteurs de son seigneur, et ne descendit point en sa maison. Et on le rapporta à David, et on lui dit, Uri n'est point descendu en sa maison. Et David dit à Uri, ne viens-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu en ta maison? Et Uri répondit à David, l'arche, et Israël, et Juda loge sous des tentes, mon seigneur Joab aussi, et les serviteurs de mon seigneur campent au champ, et moi entrerai-je dans ma maison pour manger et boire, et pour coucher avec ma femme? Tu es vivant, et ton âme vit, si je fais une telle chose. Et David dit à Uri, demeure ici encore aujourd'hui, et demain je te renverrai. Uri donc demeura encore ce jour-là, et le lendemain à Jérusalem. Puis David appela, et il mangea et but devant lui, et David l'enivra, et néanmoins il sortit au soir pour dormir dans son lit avec tous les serviteurs de son seigneur, et ne descendit point en sa maison. Et le lendemain au matin David, écrivit des lettres à Joab, et les envoya par les mains d'Uri. Et il écrivit ces lettres en ces termes, « Mettez Uri à l'endroit où sera le plus fort de la bataille, et retirez-vous d'auprès de lui, afin qu'il soit frappé, et qu'il meure. » Après donc que Joab eut considéré la ville, il mit Uri à l'endroit où il savait, que seraient les plus vaillants hommes. Et ceux de la ville sortirent et combattirent contre Joab, et quelques-uns du peuple qui, étaient des serviteurs de David moururent, Uri les tiens mourut aussi. Alors Joab envoya à David pour lui faire savoir tout, ce qui était arrivé dans ce combat. Et il commanda aux messagers, disant, « Quand tu auras achevé de parler au roi de tout ce qui est arrivé au combat, s'il arrive que le roi se mette en colère et qu'il te dise, « Pourquoi vous êtes-vous approché de la ville pour combattre, ne savez-vous pas bien qu'on jette toujours quelque chose de dessus la muraille ? Qu'est-ce qui tue Abimélec fils de Jérubézet, ne fût-ce pas une pièce de meule ?» qu'une femme jeta sur lui de dessus la muraille, dont il mourut à Thébès? Pourquoi vous êtes-vous approché de la muraille? Tu lui diras, ton serviteur Uri les tiens y est mort aussi. Ainsi le messager partit, et étant arrivé il fit savoir à David, tout ce pourquoi Joab l'avait envoyé. Et le messager dit à David, ils ont été plus forts que nous, et sont sortis contre nous au champ, mais nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Et les archers ont tiré contre tes serviteurs de dessus la muraille, et quelques-uns des serviteurs du roi sont morts, ton serviteur Uri les tiens est mort aussi. Et David dit au messager, tu diras ainsi à Joab, ne t'inquiète point de cela, car l'épée emporte autant l'un que l'autre, redouble le combat contre la ville, et détruis-la, et toi donne-lui courage. Et la femme d'Uri apprit qu'Uri son mari était mort, et elle fit le deuil de son mari. Et après que le deuil fut passé, David envoya, et la retira dans sa maison, et elle lui fut pour femme, et lui enfanta un fils, mais ce que David avait fait déplut à l'Éternel.